En juin 2024, la Traverse est venue récolter des paroles habitantes sur la commune de Villefagnan, afin de mieux comprendre ce qui fait l'identité de ce territoire, les enjeux qui y sont rencontrés, et se demander à quoi pourrait ressembler Villefagnan demain. Villefagnan, c'est une commune du Nord Charente, qui compte environ 1000 habitants. L'occupation des sols y est majoritairement agricole, mais on y trouve également quelques forêts, en bordure de communes. Villefagnan, ancien chef-lieu de canton, est décrit par ses habitants comme un bourg très dynamique. Toutes les personnes que nous interrogeons semblent très attachées au maintien des commerces, des loisirs et des écoles qui font la vitalité de Villefagnan. Ma famille est à Villefagnan depuis 1815. Geneviève, habitante native de Villefagnan. Donc Villefagnan est pour moi un bourg à taille humaine et où chacun peut subvenir à ses besoins. Il y a un petit peu plus de 1000 habitants. On a tout, ou à peu près tout. Il y a un bureau de tabac, il y a la boulangerie, la boucherie, il y a les salons de coiffure. Mélanie, coiffeuse nouvellement installée sur la commune. Il n'y en a pas partout. Et le collège. Il y a soit Ruffec, soit Villefagnan, ou Aigre au niveau du collège. Donc tous les petits villages aux alentours se réunissent plus facilement vers Villefagnan. Côté commerce de bouche, on a quand même tout ce qu'il nous faut. Une boucherie, boulangerie, des petites épiceries. On a le marché à Villefagnan, on a le marché bio à Chassagne. Côté santé, avec tout ce qu'il nous faut, médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, ambulanciers, dentiste, la maison Val de Santé, on a le plan d'eau, c'est important aussi pour faire, pour les jeunes surtout, hein, parce que nous on va peut-être y tremper le bout des orteils, mais il y a aussi au plan d'eau la restauration tout l'été. En fait, pour accéder à ce plan d'eau, déjà, c'est fort agréable. Ils ont fait un chemin qu'on peut prendre en vélo ou piéton, qui est très joli, bien protégé par des haies, donc on n'a plus besoin d'utiliser la route. Elisabeth, maman de Maude, qui tient l'épicerie de Villefagnan. Et quand on arrive au plan d'eau, c'est un écrin de verdure tout autour, et puis où les arbres se reflètent dans ce plan d'eau, une petite plage aménagée pour l'été, et un énorme espace où les gens peuvent s'installer, où il y a des tables, on peut pique-niquer, pêcher. Voilà. Il y a un coin pour la pêche et un coin pour la baignade. Et un grand, grand parking pour à l'écart un petit peu, pour que ça ne dénature pas trop. Et c'est très, très agréable parce que ces grands arbres, l'été, quand il fait très chaud, on vient ici. Et jusqu'alors, il y avait un restaurateur. Et là, j'ai appris qu'il y a deux jeunes qui reprennent la restauration. Et ça draine toutes les communes autour. C'est-à-dire que le soir, on dit, tiens, on va aller, on appelle ça la guinguette. On va à la guinguette. Parfois, il y a de la musique. Ils vont faire des soirées, d'ailleurs. Oui, ils font des soirées. Et ça attire beaucoup, beaucoup la clientèle anglaise qui adore ça. Et puis aussi la clientèle d'ici. Hein. Moi, j'y suis allée avec des anciens d'ici. C'est très sympa. C'est très sympa et c'est très calme. Néanmoins, les plus anciens nous disent regretter le dynamisme qu'ils ont connu il y a quelques dizaines d'années, ou que d'autres leur ont raconté. Depuis, de nombreux commerces ont disparu, ou continuent de disparaître. Ces témoignages reflètent le constat bien connu, dans les territoires ruraux, du délitement de la vie socio-économique absorbée par les centres urbains. Il y a quand même, je sais pas moi, 4 à 5 fois moins de commerçants qu'il y avait dans les années 30. Jean-Louis, dont la famille est historiquement originaire de Villefagnan et qui s'y est réinstallé. Ça a disparu peu à peu. Tiens, il y avait une librairie, par exemple, dans la rue, juste en face du café. La librairie a disparu. Il y avait deux... Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelais ça des... C'était des magasins où on trouvait tout, quoi. Des drogueries qui faisaient... Des marchands de couleurs, on disait aussi. Ils faisaient tout. Quincaillerie, mais il y en avait plusieurs. Il y en avait un, justement, à côté du café, en continuant. Donc, tout ça a disparu. Il y avait un électricien qui vendait du matériel électrique dans la rue du Temple, là. Il y avait énormément de choses. Il y avait deux bourreliers Il y avait, alors c'est des choses qui, où il y a peut-être moins de besoins aussi. Il y avait des chevaux quand même avant aussi. Le bourrelier, il ne servait pas qu'à ça, mais il y avait les matelas, il y avait les cartables. Moi, je me rappelle, on faisait réparer les cartables. Quand on était plus petit, quand maman revenait, il avait préparé les cartables. Ben, c'est fini, ça. Il y avait des couturières, il y avait beaucoup de choses. Alors, dans la Grand Rue, là où je suis actuellement, il y avait 20 échoppes. Bruno, pharmacien. Et dans les échoppes, il y avait 20 commerces différents. Il y avait des bourreliers qui travaillaient donc le cuir pour les harnais pour les chevaux. Il y avait des viticulteurs, enfin des vendeurs de vin, il y avait des grainetiers, enfin il y avait des petits commerces. Alors il y a eu énormément de bars, hein, il y a eu une dizaine de bars à Villefagnan. Hein. Mais oui, il y avait plein de choses différentes en fait. Hein. Il y avait aussi dans la rue du Temple, c'est la rue qui est perpendiculaire à la Grand Rue et qui remonte, il y avait quelqu'un qui fabriquait des cordages. Et en fait, il étendait la corde en bas de la rue jusqu'en haut, quoi, comme à la corderie royale de La Rochelle, de Rochefort. Il y avait une vie incroyable en fait. Hein. Et puis après, les grandes surfaces sont passées par là. Voilà. Bon, moi, je pense en effet qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont disparu. En tout cas, en lisant, parce que là, je suis mal placé, moi, parce que celui qui est le mieux placé pour voir la différence, c'est celui qui est né dans les années 1900 et qui a vu passer et qui meurt à peu près maintenant. Et là, il a, ou un petit peu avant, mais là, il a vu toutes ces activités. Hein. Enfin, il y avait quand même une grosse activité. Moi, je suis surpris de voir tout ce qu'il pouvait y avoir encore jusqu'en 1940, qu'il pouvait y avoir comme foire et comme marché concernant aussi bien les animaux que le reste de l'agriculture. C'était quand même ça. Il y a un gros changement maintenant. Non, après, je pense que. Un peu, quand un commerce s'en va, c'est toujours un petit peu difficile. Et là, on avait une station essence, donc ça a été un petit point noir, parce que bon, c'est une station qui ne gagnait pas sa vie, on va dire. Hein. Donc le commerçant qui avait ça a préféré arrêter. Il est resté deux ou trois années en gagnant pas sa vie, donc il a dit « je vais perdre l'argent, donc j'arrête ». Et c'est vrai que... J'avais vu une pétition passer hein, pour demander à ce qu'on reprenne ou que la mairie reprenne. Je ne sais pas où ça en est. Oui, c'est compliqué parce que si c'est quelque chose qui est en déficit, on ne peut pas mettre une mairie en déficit aussi. Outre la disparition des commerces, certains se souviennent aussi d'une certaine vie, plus sociale, davantage marquée par l'entraide et la convivialité, qui tend aujourd'hui à se déliter et provoquer pour certains un sentiment d'isolement. Il y a des personnes qui ne sont toujours pas sorties de leur enfermement, qu'on ne revoit plus, hein, notamment des personnes très âgées. Hein. Et ça, c'est vous liez au Covid, c'est vraiment à cette période-là que ça s'est transformé ou il y avait déjà des signes un peu avant Non, il y avait déjà des signes avant. Je pense que par rapport à ma petite enfance, les gens s'aidaient les uns les autres. Beaucoup, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup plus que maintenant. Et il n'y avait surtout pas ce qu'il y a maintenant, la télé qui tue les relations. Mes origines sont l'agriculture. Hein, mes grands-parents étaient ce qu'on appelait à l'époque paysans. Disons que lors de chaque saison, ils s'aidaient les uns les autres. Alors, lors de ces rassemblements où ils s'aidaient, ça faisait suite des repas pour les moissons, au moment où... était ramassé le maïs, on allait les uns chez les autres pour égrener le maïs. Et nous, enfants, hein, parce que on suivait nos grands-parents ou nos parents, c'est ce lien que je trouve qui n'existe plus, ce lien d'entraide. Les gens s'entraident bien encore un peu, mais malgré tout, le modernisme a fait du mal. Oui, disons, et puis souvent les enfants, quand ils en avaient marre, je pense plus particulièrement au maïs, quand ils en avaient marre de dégrainer le maïs, on jouait ensemble. Hein. Et puis les adultes parlaient aussi de leurs soucis, parce que chacun avait des soucis. Et puis, c'était aussi le moment quand, dans une famille, il y en avait un qui était malade, d'aller plus loin. Et peut-être aussi, se dépanner, apporter lors des cuisines de cochon, hein, partager la cuisine, les boudins... Tout ça, c'était des moments conviviaux. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil. Le sentiment d'isolement ne semble pas le même pour tout le monde à Villefagnan. Les personnes plus âgées, ou les nouvelles et nouveaux arrivants, qui ne sont pas impliqués par leur travail dans la vie socio-économique du village, se sentent souvent plus isolées, et souffrent d'un manque de lien social. Un nombre important de personnes, que nous avons interrogées, nous parlent de ce sentiment qu'ils nomment « être rapporté ». Au départ, je m'étais demandé si vous intégriez ma femme à la conversation. Avec la voix que j'ai en ce moment, moi, je pense que je ne suis qu'une rapportée. Tu parles. Non, mais dis ça. On dit, je me rappelle de ce terme qu'on emploie en Charente, c'est les rapportés. C'est-à-dire, ils sont pas les rapportés. Elle a employé le terme rapporté. Voilà. Elle disait qu'elle se sentait rapportée. Ah oui, voilà. Elle est là depuis 7 ans et elle se sentait encore rapportée. Oui. Je suis arrivée à l'âge de 8 ans avec mes parents qui étaient commerçants. Et je pense qu'on a toute notre vie, on s'est senti rapporté. Alors, moi maintenant, puisqu'on a eu. On a installé dans la commune, les enfants sont installés, etc. Mais. C'est ça qu'il faut, c'est une génération pour. Oui, pour s'installer, c'est ça. Voilà. Mais on ne sera jamais du village. On ne sera jamais même du si village. Vous avez un commerce. Oui, oui. Alors, on a aujourd'hui une autre façon, peut-être parce qu'on est aussi arrivé difficilement, quoi. On a aussi une autre façon d'aller vers les gens qui arrivent en leur disant, voilà, vous arrivez, qu'est-ce qu'il vous faut, et souvent, ce qu'ils vont demander, c'est des artisans pour faire les travaux et tout. Donc, l'intérêt pour une commune, c'est que ça va faire vivre le pays. Très franchement, ça ne me concerne pas, ça concerne mon mari. Mon mari, comme vous l'avez entendu, était parisien. Quand on est venu à Villefagnan, moi, pas de problème. Mais certaines personnes, autant il était bien perçu quand on venait en vacances chez mes parents, voir la famille, autant quand il est venu pour travailler, Ça n'a pas duré très longtemps, mais a été perçu comme celui, je vous dis textuellement ce qui nous est revenu aux oreilles, celui qui venait bouffer le pain des Charentais, des gens de Villefagnan. Nous, on l'a vécu. Moi, ça m'a fait mal parce que c'était mon mari. S'il venait, il ne venait pas retirer l'emploi de quelqu'un, il venait le compléter, ce qui est très différent. Mais vous voyez, c'est la question que vous me posez, ça va faire l'objet d'un travail. Parce que dans mes activités, tous les mois, on se rencontre en Carrefour pour travailler sur des thèmes. Le prochain thème que l'on va aborder, c'est « Trouver sa place ». Comme c'est curieux. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est très important, moi, je trouve. Parce que, si vous voulez... Les gens qui se sentent, je pense, intégrés, c'est ceux qui ont eu une activité sociale ici ou qui ont été à l'école. Je pense que c'est très important. Moi, je ne l'ai pas vécu non plus là où j'étais parce que après, je suis parti de l'endroit où j'étais. Mais pour ceux qui sont de la région, qui ont été à l'école communale, par exemple, sur Villefagnan, ils se connaissent tous. Parce qu'après, ils sont restés sur Villefagnan. Donc, et comme quand même, ce sont des villes qui ne sont pas très grandes, hein, en Villefagnan, il y a 1000 habitants, on a vite fait de faire le tour et tous les gens se connaissent. Une partie de ces gens qui ont été à l'école sur Villefagnan, ils sont soit agriculteurs, soit commerçants, soit artisans. Hein. Si vous voulez, ils sont nés ici, ils ont été à l'école ici. Éventuellement, ils ont fait des études complémentaires un petit peu autour, parce qu'il n'y a pas de lycée. Et puis, ils ont fait leur vie ici. Et ils ont même quelquefois épousé des gens d'ici. Donc, si vous voulez, c'est vrai que l'implantation est beaucoup plus facile. Les gens se connaissent tous. Quand vous n'êtes pas né ici, que vous n'avez pas été à l'école à cet endroit-là, que vous n'avez pas eu une activité dans le village, c'est très difficile de se faire connaître ou de connaître les gens. Le regret, c'est en effet de ne pas connaître plus de gens, d'avoir plus d'échanges, et puis quelquefois de pouvoir avoir des rencontres avec d'autres personnes. Moi, j'ai un sentiment un tout petit peu d'isolement. Pas énormément, mais un peu, quand même. Alors, on a fait des connaissances. Il y a des gens qu'on a vus, et c'est sympa, quoi. Mais je trouve que c'est pas assez. De l'autre côté, des commerçants ou des agriculteurs, ancrés dans la vie économique du village, semblent facilement être intégrés et décrivent une vie de village très conviviale, avec de nombreux liens sociaux. Les autres commerçants, vous avez été en contact avec eux depuis que vous êtes arrivé? Ah oui. Au niveau du bar, quand on venait faire les travaux, donc souvent on allait boire un petit café avec mon conjoint là-bas, et donc très enchanté lui aussi. Après il y a le bureau de tabac. Et je dirais que les deux premiers jours où je me suis installée, ils sont presque venus à tour de rôle, voir si tout se passait bien, si j'avais besoin de quelque chose, et ainsi de suite. Je sais que David vient pratiquement tous les jours m'emmener un café, comme ça, on prend des nouvelles, et ainsi de suite. Ouais. Et puis l'autre coiffeuse aussi, quand dès qu'elle passe devant, hop, tout se passe bien, ça fonctionne. Je l'ai remarqué aussi pas mal, justement, au marché de producteurs qu'on organisait, où justement les gens jouent le jeu. Ils viennent, donc en fait le marché de producteurs c'est quoi? Enfin je sais pas si vous en avez fait un peu. C'est le but du marché, donc tu viens faire ton marché, mais tu manges sur place. Voilà. tu mets toutes tes tables, l'association tient la buvette avec des produits locaux. Voilà, donc faut que ça soit de la bière locale, faut que ça soit des jus de pommes, des jus de tout ça local. Et puis après, tout le monde se rencontre. Voilà. Et c'est ce côté-là convivial qui est hyper, hyper intéressant. Quoi. Pour recréer du lien social, là où il n'y en a plus, certains acteurs proposent des activités ou aménagements de l'espace. C'est le cas, par exemple, de l'association Écoute et Partage, de la mairie ou de l'épicerie tenue par Maude qui installe des tables et des chaises comme espace de rencontre quotidien pour ses clients. Mais je reviendrai sur le groupe Écoute et Partage. Ce groupe où nous sommes 7, il ne faut pas être beaucoup, puisqu'après, on ne s'entend plus parler. Le but, c'est d'abord de se rassembler pour rompre l'isolement. Et donc, c'est un moyen de discuter et puis de s'encourager, de s'échanger des recettes, hein, et puis de parler de nos soucis de santé. Et comme on est à peu près tous dans la même tranche d'âge, de se donner des astuces. Et c'est une manière intelligente de rompre l'isolement. Alors, les clients qui viennent ici ont besoin de contact. Ils ont besoin de parler, d'où l'alignement. Au début, il y avait une table avec deux chaises. Je pense qu'on va faire le tour bientôt. Et c'est le lieu... Alors, c'est le lieu de rencontre, en fait. Ils ont besoin de rencontrer des gens. Ils se rencontrent ici. D'ailleurs, ils viennent aux mêmes heures. Hein. La dame qui était là tout à l'heure, d'habitude, elle est avec toute une table. Parce que ils s'attendent les uns les autres et c'est vraiment des clients qui ont besoin de liens sociaux. J'ai une amie qui est sur La Rochelle et qui est beaucoup dans le social et elle me dit, elle est venue faire une interview ici parce qu'elle a dit j'ai trouvé l'endroit où on pouvait faire du lien social. Elle dit c'est une épicerie, faut monter une épicerie, voilà. Et les tables, en fait, elle en avait une au départ dans un petit coin et puis après, il en a fallu deux, trois, quatre. Oui, oui, c'est ça. Et ça ne, voilà. Et il y a un café. C'est pas un café parce qu'il y a un café ici, et c'est pas du tout la même clientèle. C'est-à-dire qu'au café, les gens qui viennent ici ne vont pas au café. C'est des personnes d'un certain âge et ça se fait pas d'aller au café. Et le monsieur qui tient le café est un ami de Maud, donc ils se font absolument pas concurrence. Ils font pas concurrence. Ils sont voilà. Le lien. Plus ça va et moins il y en a. Il faut le créer. Il faut le créer, tu vois. Justement, la commune fait tous les ans une journée chemin. Donc, on est là à faire l'entretien des chemins. Donc, ils commandent, 4-5 camions de gravier. Puis, chacun vient avec sa remorque. Et puis, allez, on fait le tour des chemins qu'on fréquente. Et c'est parti. Quoi. Ça, c'est parfait. Et puis, après, à midi, hop, ils proposent le repas. Et tout le monde se rencontre ici. Donc, finalement, c'est un lien quand même hyper important à garder, quoi. Ça, c'est avec tous les habitants ou les agriculteurs ? Seulement les agriculteurs. Voilà. Donc, qui vient, après, vient celui qui veut venir. Voilà. Bon, si, t'as les cantonniers qui viennent, bien sûr. Mais s'il y en a qui viennent donner un coup de main, oui, ils sont là, ils sont conviés quand même. Pour maintenir le dynamisme de Villefagnan dans les prochaines années, la priorité semble être d'attirer la jeunesse à s'y installer. Que ce soit pour faire perdurer les commerces de Villefagnan, maintenir l'offre médicale ou reprendre des exploitations agricoles, la jeunesse est attendue à Villefagnan pour reprendre le flambeau. Ceux qui viennent nous voir en fait à Villefagnan, c'est pas des jeunes actifs en fait. On le ressent comme ça, c'est pas des jeunes actifs. On a un lotissement où il y a des terrains avec des terrains viabilisés à des prix intéressants qui ne trouvent pas preneur. Je pense que les jeunes n'ont pas de travail ici. Ou alors les jeunes préfèrent, par exemple, les jeunes vont plus facilement à la faille. Vous voyez où c'est la faille? C'est à 5 km d'ici. Là, ça marche à la faille. Pourquoi est-ce que ça marche à la faille? Pourtant, il n'y a que 5 km d'écart. Parce que les gens à la faille se retrouvent plus proches de Ruffec et plus proches de la 10. C'est tout bête, hein? C'est tout bête. 5 km. À la faille, vous n'avez pas de commerce. Ici, vous avez un collège. Vous avez une boucherie. Vous avez une pharmacie. Vous avez des médecins. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Les gens, alors moi je trouve qu'ils veulent vraiment que que Villefagnan puisse, on va dire, s'agrandir, que les commerces résistent, qu'ils restent implantés, qu'il y en ait pourquoi pas d'autres, qu'il y ait peut-être un petit peu plus de jeunes qui viennent habiter aussi sur Villefagnan, parce que c'est une population un peu vieillissante. Et donc ils aimeraient bien avoir des jeunes, quoi, qui voient que ce petit village, en fait, il continue à perdurer. Après, il y a 30 ans, on ne pouvait guère imaginer qu'on en serait arrivé dans cette situation-là au niveau des désertification médicale et la façon dont ça s'organise au niveau de la santé. Le fait quand même globalement d'avoir une maison de santé, ça permet d'accueillir des médecins supplémentaires, parce que les jeunes médecins, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un environnement autour d'eux qui puisse les aider. Nous, si on accroche un médecin supplémentaire qui serait un troisième médecin, ça serait vraiment extraordinaire. Mais ce n'est pas facile. Il y a normalement la moitié des paysans qui partiront à la retraite dans les 4-5 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Là, sachant que, point de vue installation, on est en diminution. Moins ça va et moins il y a de jeunes qui y sont attirés. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de pubs aujourd'hui sur les installations. Donc même l'État s'y met. Hein. Voilà, dire ben, installez-vous. Il y a des aides pour ça d'ailleurs. Voilà. Bon, puis après, ben, installer même dans l'élevage, c'est important, quoi. Et après, ben, y a toujours le problème de surface. Où là, ben, pareil, hein, c'est assez connu, l'accaparement des terres. Donc comment ça va se passer? Est-ce que les jeunes auront leur place derrière? Est-ce que financièrement, ils pourront acheter? Parce que bon, ben, on connaît aussi les prix, et plus ça va, plus ça augmente. Faut pas se faire avoir aussi avec je sais pas comment on appelle ça, des investisseurs. Voilà. Les abbés, après les agrandissements tout simplement aussi. Hein. Il y a aussi ce souci-là, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de départs et peu de. Bah, Peu veulent reprendre l'exploitation. Donc bah, dans 10, 15, 20 ans, ouais, il va y avoir ce souci-là aussi. Enfin, c'est en particulier dans l'élevage le souci qu'il y a, parce que bah, aujourd'hui l'élevage, plus personne ne veut en faire parce que bah, c'est contraignant, parce que bah, ça rapporte pas. Ça rapporte pas, même pas du tout. Enfin, il y a des secteurs qui rapportent pas du tout. Donc, bah, les jeunes, et c'est compréhensible, hein, ils veulent pas s'embêter avec ça. Et là, pareil, l'élevage autour de Villefagnan, en 10, 15 ans, même 20 ans, ça a disparu au moins de moitié, au moins, je pense. Ouais. Donc, là, c'est un problème aussi. Quoi. Si, comme pour toutes les autres activités, il est difficile d'attirer aujourd'hui la jeunesse dans les territoires ruraux, les agriculteurs relèvent aussi les difficultés intrinsèques à leur métier, notamment l'imprévisibilité de ce métier, de plus en plus grande, que ce soit du côté de la météo ou des cours mondiaux. Pourtant, ils soulignent l'importance vitale et le sens du métier d'agriculteur aujourd'hui comme pour demain. On a fait des semis donc de blé et d'orge dans des conditions très moyennes. Voilà, c'est à... Je ne sais même pas combien de millimètres d'ailleurs on est rendu depuis les semis. C'est affreux. On a donc ressemé une fois, deux fois. On ne peut même pas rentrer des fois dans les champs, donc on a des herbes qui poussent. Alors, surtout qu'en plus, donc, vu qu'on n'est que deux, c'était un peu compliqué au niveau du temps. Parce que bah, on sait... un peu de, enfin, on manque de temps, hein, tout simplement. Donc, bah, des fois, on délaisse certaines choses, comme justement la partie céréale. Et cette année, fallait pas. Fallait pas, parce que tellement que c'est, enfin, c'est crade, quoi. C'est, voilà. Il a fallu même relabourer des parcelles qui étaient semées. Il y avait quelques points, bah, quelques points d'orge à des endroits. Bon, bah, on retourne, on fait des tournesols, des choses comme ça. Donc, on s'adapte. Voilà. Donc, mais cette année, c'est vraiment... alors, on dit toujours que c'est une année atypique, mais cette année, c'est vraiment atypique, hein, pour le coup. Hein. Et les cours mondiaux également, voilà, parce que, bah, on ne sait pas... les cours montent, baissent, voilà, on ne sait jamais ce que ça va faire. Personne n'est capable de savoir ce que ça va faire, donc on est totalement tributaire de ça aussi. Quoi. On le voit depuis bah, le Covid et la guerre en Ukraine. Ça monte en flèche, ça rebaisse, enfin, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi et on ne peut pas se prévoir, absolument pas se prévoir. Quoi. C'est ça qui différencie aussi un petit peu à côté d'une entreprise traditionnelle, c'est que nous, on a... Je dirais à un mois, on ne sait pas du tout où on va, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué là-dessus. Ouais. En fait, c'est t'as une fierté quotidienne, hein, malgré tout. Donc voilà, il suffit qu'il y ait un peu de beau temps qui arrive et ça fait encore mieux. Voilà. Du fait que c'est un métier qui a du sens, quoi. Et que... Complètement. Complètement. Bah, t'es. J'ai assez la base, hein, déjà. Tu crées l'aliment pour tout le monde. Voilà. On se rend. Au départ, quand tu t'installes, c'est pas vraiment la chose que tu penses. Mais quand tu... Parce que bon, je fais partie d'un syndicat aussi, donc des jeunes agriculteurs. Et on milite pour ça, quoi. Donc, bon, tu dis... justement en étant dans ce syndicat-là, tu dis, bon, tu fais pas... Tu fais un métier utile, quoi. Tout simplement. Du côté de l'agriculture, nous sommes aussi allés rendre visite à la ferme de Chassagne, pionnière de l'agriculture biologique depuis 65 ans. À la ferme de Chassagne, on espère un passage plus large au biologique sur le territoire, ainsi qu'un nouveau rapport à l'agriculture. Donc la ferme de Chassagne, François, on est la 7e génération. C'est mon beau-père qui a engagé la transition à l'agriculture biologique. Céline, exploitante agricole à la ferme de Chassagne. De manière vraiment précurseur, en introduisant également la production de légumineuses à graines. Donc ça, c'est fin des années 60, début des années 70, au moment du remembrement sur la commune d'ailleurs. Et donc il y a sur cette ferme plusieurs activités. Il y a la ferme elle-même de production polyculture, 100% bio bien sûr. Parallèlement à ça, on valorise, on transforme en fait une partie des céréales en pain, donc panification à la ferme. Moi, quand je suis arrivée sur le territoire, je me suis dit « Ah, mais ce qui serait top, c'est de faire de ce territoire une expérimentation 100% bio et proposer aux collègues agri du territoire d'essayer de passer à la bio. » C'est-à-dire, en fait, juste essayer de se passer entièrement de pesticides, par exemple. Dans des territoires comme Munich, par exemple, en Allemagne, ils n'ont pas eu le choix, en fait. Ils ont regardé ce que coûterait la conversion à la bio de leur bassin de collecte d'eau ou bien le traitement de l'eau. Bon, ben, c'était de 1 à 10. Ils se sont dit, bon, on aide les agriculteurs à se convertir à la bio. Mais peut-être que sur notre territoire, là, avec Saint-Frègne, le bassin versant, on pourrait se dire, bon, on met vraiment les moyens économiques, parce que c'est une question aussi de moyens économiques, c'est aussi une question de valeur et de conception de culture, voilà, de conception de ce qu'est l'agriculture. Mais si on arrive à prouver qu'économiquement ça marche et que agronomiquement on n'est pas défaillant, amener les gens à avancer vers cette évolution, ce serait moi j'en rêverais, quoi. J'ai envie de défendre Villefagnan, on a vraiment œuvré pour que les fermes de Chassagne, notre groupement de producteurs, restent ancrés sur Villefagnan parce que l'aventure est née ici et qu'à un moment de toujours délocaliser les valeurs ajoutées dans les centres-villes, dans les grosses agglomérations, ça fait plus sens non plus. À un moment, il faut qu'on garde des activités dans ces zones rurales, en particulier les activités de valorisation de la production agricole, parce que c'est là qu'on produit, c'est quand même en campagne, sur les zones rurales. Pourquoi ne valoriserait-on pas ces productions, justement, sur les lieux où elles sont produites? Je trouve que ça fait complètement sens. Et c'est même peut-être un devoir. Voilà, je sais pas. À la fin des entretiens que nous avons menés, plusieurs personnes nous ont rappelé que Villefagnan était un ancien chef-lieu de canton, et que cela lui donnait une identité, ainsi qu'une certaine forme de communauté de vie, dont il paraît important de prendre soin. Je n'ai pas mesuré, puisque il y a 31 ans, j'avais 27-28 ans, et c'est vrai que notre priorité était essentiellement professionnelle, mais Villefagnan a un vécu historique et un passé historique, chef-lieu de canton, et puis lieu de passage avec effectivement le train SNCF, avec des foires très importantes, avec un commerce très important. Il y avait une vie incroyable, il y avait plus de 1000 habitants il y a 31 ans. Et c'est maintenant que je déguste tout ça de par le temps qui m'est un petit peu disponible et par le plaisir de prendre le temps un petit peu par rapport au monde qui m'entoure et par rapport effectivement à ce que peut proposer Villefagnan au niveau de ses qualités. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense que ça c'est important que cette chose reste là. On a une identité locale. On a une identité au niveau de notre ancien canton. Et je pense que ça, les gens le ressentent encore. J'en suis convaincu. Après, c'est trop loin. Et dans ce cas-là, c'est difficile de créer une communauté. Tandis que là, on est encore capable de créer une communauté avec notre ancien canton. Et c'est quoi qui fait de l'identité de ce canton pour vous ? Ben, parce qu'il y avait beaucoup d'activités communes à l'époque. Et donc c'est une taille, c'est une échelle. C'est une échelle qui était bonne. Mmh. Voilà, je pense. Ça, je reste persuadé. Mmh. Je le regrette que ça ne soit plus... Ça ne fonctionne plus comme ça d'un point de vue administratif. Oui. Il me semble qu'à Villefagnan, qui est un chef-lieu de canton, malgré tout, qui est très proche de Ruffec, donc évidemment avec le risque d'absorption et de brouillage de pistes, quoi. Peut-être que c'est un peu difficile de garder l'ensemble des services, de garder une certaine autonomie décisionnaire, on va dire. Mais ce que je trouve assez intéressant, si on voulait notamment dans... Enfin, je pense que ça rejoint le programme Village d'Avenir. C'est qu'à un moment, je crois que les gens ont besoin d'appartenance. Ils ont besoin d'appartenance, ils ont besoin de... Pour être heureux dans la vie, je crois qu'il faut à un moment avoir des racines, une origine, se sentir bien quelque part. Et se sentir bien quelque part, c'est pas seulement un paysage... on a une super architecture, ça, je pense que ça, localement, en Charente, on a une super architecture, c'est, c'est, c'est très agréable de vivre dans ces belles pierres. Mais au-delà de ça, je crois que c'est une communauté de vie en fait qui compte. On se souvient de quoi dans nos vies ? Eh bien, des relations humaines, des moments forts qu'on a vécu avec les autres, qui nous ont fait vibrer. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester à Villefagnan ? Moi, je pense qu'il y a une certaine communauté de vie qui est très attachante, en fait. Avec certaines valeurs qui sont en même temps rurales, en même temps des valeurs d'accueil, parce que Villefagnan est une terre d'accueil, je pense que ça joue. Voilà, peut-être qu'on fait communauté, quoi, Villefagnan. Peut-être je ressens ça un petit peu, ce bonheur d'être là ensemble. Je me demande s'il ne faudrait pas vraiment creuser cette question de, à un moment, les gens ont besoin de s'attacher à des communautés de vie, à de l'humain. En fait, on recherche l'humain, on recherche l'ancrage. Et je me dis que Villefagnan, si les villages d'avenir, est-ce que ce n'est pas des villages, des communautés de vie à vraiment valoriser pour qu'on continue à en voir l'existence, parce qu'évidemment, en valorisant toujours les agglomérations, les centres-villes, la consommation, on n'est pas prêt de revoir les zones rurales revivre. Hein. Je crois qu'il faut vraiment créer des alternatives efficaces au mode concentrationnaire économique et aussi d'activité. Vous venez d'écouter Villefagnan, prendre soin d'une communauté de vie, un documentaire radiophonique de La Traverse, relatant les paroles d'hier, d'aujourd'hui et pour demain des habitants de Villefagnan.